Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station sur cette FM, pour cette 20e chronique de Mille et une histoires de tatouages. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de la deuxième partie des méthodes d'effacement, avions poursuivi par le tatouage noir et gris et couleur, et avions terminé par le motif de l'œil et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la santé et de l'hygiène lors de la création d'un tatouage, ainsi que des précautions préalables, des précautions d'hygiène et la pré-intervention. Nous poursuivrons par un site de tatouage et terminerons avec un motif et ses significations. Il est temps d'y aller. Afin de ne pas avoir de problèmes d'infection et autres soucis liés au tatouage, le tatoueur doit absolument respecter des règles d'hygiène. Il faut savoir que le tatouage consiste à perforer la peau pour y introduire des agents colorants et qui dit perforation dit plaie. Celles-ci sont susceptibles de s'infecter et de transmettre une maladie via des infections et des virus. De plus, beaucoup de pigments sont toxiques, voire très toxiques, s'ils étaient inhalés ou ingérés. Comme les encres d'imprimerie, les émaux et pigments de verrerie alimentaire, les peintures murales ou scolaires, et les jouets pour enfants et plus encore pour les colorants alimentaires, la législation tend à interdire les pigments métalliques et organométalliques, les plus toxiques, ce qui suscite les protestations de la part de certains tatoueurs, car les rouges, jaunes et oranges les plus vifs et stables sont tous produits à partir de pigments toxiques et pour certains cancérigènes. Il existe aussi des incertitudes toxicologiques en ce qui concerne certains pigments, comme par exemple le dioxyde de titane. Avant, il était considéré comme très stable et neutre, d'ailleurs il est autorisé dans certaines crèmes. Cependant, il est aussi utilisé comme catalyseur et notamment quand il est exposé à la lumière. Une étude menée à l'European Synchrotron Radiation Facility abrégée ESRF, une société civile de droit français créée le 12 janvier 1989, la plus importante, avec l'APS du Laboratoire National d'Argonne aux États-Unis, en 2017, a été publiée dans la revue Scientific Reports. Elle affirmait que les pigments issus des tatouages et d'autres molécules toxiques tendent à se cumuler dans les ganglions lymphatiques, provoquant une inflammation et d'autres effets négatifs lors des tatouages. C'est donc pour des raisons que les règles essentielles d'hygiène avant, pendant et après tout tatouage de la part du tatoueur et du tatoué doivent être mises en pratique. Nous allons les voir ensemble en commençant par les précautions préalables. Pendant les 24 heures précédant le tatouage, il est déconseillé de consommer de l'alcool ou de prendre de l'aspirine, car ces produits fluidifient le sang et risquent d'augmenter les saignements lors du tatouage, ce qui peut être gênant pour le tatoueur, mais aussi favoriser les infections. Il existe d'ailleurs certains groupes à risque qui doivent vraiment éviter de se faire tatouer. Les personnes allergiques, les personnes sous traitement médicaux, les alcooliques, les toxicomanes, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'hémophilie, du sida, d'hépatite B, SC, de maladies cardiovasculaires, ainsi que les personnes avec un stimulateur cardiaque, car un risque d'interférence avec les ondes magnétiques du dermographe peut se créer. Ou encore les personnes touchées par les maladies de la peau. Des zones particulières de la peau doivent aussi être évitées, celles touchées par des verrues, des grains de beauté, ou les zones riches en taches de rousseur. Tout cela concerne les tatoués, mais qu'en est-il pour les tatoueurs ? Pour commencer, l'on pourrait citer le lavage des mains ainsi que la désinfection de ces dernières, et le port des gants. Mais ce n'est pas tout. Il faut bien sûr que le tatoueur possède des aiguilles stériles qu'il ouvrira devant vous et qu'il jettera après utilisation. Il devrait nettoyer consciencieusement son matériel à chaque utilisation, ainsi que désinfecter les outils non stérilisables et le plan de travail. Il est conseillé d'utiliser au maximum du matériel à usage unique, aiguilles, manchons, buses, et de protéger la machine et les câbles dans les protections plastiques jetables. Il doit encore faire une dernière chose, analyser la texture de l'épiderme du futur tatoué et la désinfecter minutieusement avant son acte, ainsi que de raser la zone si nécessaire pour éviter l'introduction de fragments de poils dans la peau. Ça y est, votre tatouage est terminé et vous vous apprêtez à partir, mais le tatoueur vous retient car il doit faire les premiers soins. En effet, une fois l'intervention terminée, le tatoueur doit désinfecter la zone concernée à l'aide d'une solution antiseptique et appliquer de la pommade et un pansement ou du cellophane que vous garderez environ 2 heures afin de protéger l'épiderme et de favoriser la cicatrisation. S'ensuit une explication claire au tatoué de comment il doit continuer à nettoyer sa peau et entretenir son tatouage minutieusement pour éviter les infections. Pour ce faire, la peau doit rester propre et grasse pendant toute la phase de cicatrisation qui dure environ 15 jours. Bien sûr, cela peut être plus lent ou plus rapide en fonction du type de peau. Il faut toujours être vigilant et ne jamais laisser aucun agent infectieux être en contact avec la plaie. Pour qu'un nettoyage soit bien fait, il faut qu'il se fasse à l'aide d'eau tiède, de savon doux ou d'une solution antiseptique sans alcool. Une fois propre, il faudra appliquer une pommade cicatrisante sur la plaie. Certaines peuvent être d'ailleurs contre-indiquées pour ce type de plaie. Une nouvelle méthode a vu le jour il y a peu. Inspiré des soins en grand brûlé, nommé cicatrisation en milieu humide, le tatoueur posera un pansement respirant spécifique qu'il faudra changer régulièrement selon les modalités fournies par le fabricant. En ce qui concerne les vêtements, il est conseillé de porter des vêtements en coton pendant la phase de cicatrisation. Bains, piscines et mer sont à proscrire pendant une durée de 3 semaines, ainsi que les rayons de soleil et d'UV pendant 1 mois. D'ailleurs, de nombreux tatoueurs déconseillent même d'exposer le tatouage au soleil durant la première année ou les premières années. Si le tatouage couvre les parties exposées du corps et que ce dernier est privé de soleil, une prescription de vitamine D est alors nécessaire. Comme vous avez pu l'entendre, il faut mettre en place différentes actions avant, pendant et après le tatouage afin d'obtenir un résultat parfait qui conviendra à vos attentes. De plus, vérifiez bien que le matériel utilisé par le tatoueur est bien stérile et à usage unique. En ce qui concerne les aiguilles, et si vous avez un doute, ne vous faites pas tatouer et attendez de trouver un vrai professionnel. Il vaut mieux attendre plusieurs semaines à plusieurs mois que d'y aller et de ressortir avec une infection ou autre quelconque maladie. Passons maintenant à la deuxième partie de cette chronique, un style de tatouage. Le style du jour est le néo-traditionnel. Nous avons déjà parlé du tatouage traditionnel dans une chronique précédente, tout particulièrement lors de la 8e chronique quand on en a parlé de l'irizumi, le tatouage japonais, mais j'ai voulu une nouvelle fois approfondir légèrement le sujet. Le tatouage néo-traditionnel, aussi appelé néo-trad, a pour but de faire du neuf avec du vieux. C'est un style de tatouage qui tire son inspiration du style old school, style dont on a parlé dans la 5e chronique. Cependant, le néo-traditionnel se différencie par une plus grande recherche du détail, un travail tridimensionnel ainsi qu'un vrai effort sur les couleurs et ombrages. Ce style garde les mêmes significations que le style old school. L'on peut y voir des thèmes récurrents comme la rose, les hirondelles, l'étoile ou encore le diamant, mais avec des couleurs beaucoup plus vives. C'est un style qui est de plus en plus en vogue. L'on peut comparer le néo-traditionnel au vintage. En effet, le principe de ce dernier étant du vieux révisité avec une pointe de modernité. Il existe de très bons artistes français qui pratiquent ce style comme les tatoueurs de Turbo Zero, un salon de tatouage, qui se trouve à Nantes. Fat Manu, qui travaille à Tours, les artistes de la main noire, un salon se trouvant à Besançon, ou encore ceux de la machine infernale. Ce salon est situé à Roubaix, et bien d'autres, à vous de faire vos recherches. Il y a assez peu de choses à dire sur le style néo-traditionnel, si ce n'est que le but de ce style est de reprendre les motifs du tatouage old school en y ajoutant des couleurs toujours aussi vives, mais avec des ombrages et des dégradés plus présents. Ainsi, les motifs traditionnels sont plus travaillés et possèdent davantage de détails. Donc, si vous aimez les couleurs mais que vous n'avez aucune affinité avec le style old school, que vous trouvez peut-être trop vieux, le style néo-traditionnel vous conviendra peut-être mieux. Et voici la dernière partie de cette chronique, un motif et ses significations. Le motif du jour est la montgolfière. Les montgolfières sont des motifs jolis et créatifs qu'il est possible d'ancrer sur votre peau. Une recherche rapide sur internet vous met face à nombre de dessins de toutes les tailles et de tous les types. Les ballons, quel que soit leur type, sont attendrissants. En effet, ils nous rappellent en quelque sorte notre enfance, que ce soit les ballons de baudruche pendant les anniversaires, ou les ballons de foot ou de basket. Et qui sait, peut-être avez-vous rêvé un jour de faire une balade en montgolfière avec votre famille. Le motif de la montgolfière n'est pas une nouveauté. Ce sont des images assez communes portées généralement par les femmes. Bien sûr, il est possible aujourd'hui de trouver des magnifiques tatouages sur les hommes. Cependant, si vous souhaitez optimiser votre dessin, il vous faudra ajouter une touche personnelle à votre tatouage, comme par exemple des roses, des têtes de mort, des os, des oiseaux, etc. Le plus important, c'est que cette ou ces images vous plaisent. Il vous suffira juste de trouver un bon dessin pour accompagner votre montgolfière. Mais quelles sont les significations de ce motif ? Quand l'on parle de montgolfière, l'on parle de liberté. En effet, celle-ci vous offre l'impression magique de se sentir libre, de pouvoir voler dans l'immensité du ciel. Un monde sans barrières, ni frontières, donc est une représentation de ce motif. Mais ce n'est pas là que sa seule signification. L'énergie, la liberté ou le pouvoir de décider ce que vous allez faire de votre vie peut en ressortir. En plus de ces significations, la prospérité émotionnelle associée à cette sensation de liberté sans pareil qui nous a tous fait défaut à un moment ou à l'autre de notre vie peut en être une aussi. Si vous regardez quelques images de montgolfières, peut-être vous sentirez-vous être libre de vivre pleinement votre vie. Comme vous le savez, les montgolfières ont la capacité de se déplacer dans les airs. Elles sont donc signe de tranquillité et de paix. Qualité, il faut bien se l'avouer, forte précieuse par les temps qui courent. C'est grâce à tous les aspects que nous venons de citer que la montgolfière, même inconsciemment, est choisie comme motif pour un tatouage. C'est pour cela qu'il en est devenu commun. Il existe des zones du corps plus adéquates que d'autres pour se faire tatouer le motif de la montgolfière. Le dos, l'avant-bras ou encore les épaules. Il y a une dernière zone qui pourrait être parfaite pour celui-ci. En effet, vous souhaitez que le motif ressorte, alors la cuisse sera parfaite. Si vous êtes à la recherche d'un motif exprimant la liberté, la tranquillité ou encore la paix, le motif de la montgolfière sera parfait pour vous. C'est un motif dont le plus souvent les couleurs sont utilisées. Cependant, il est possible de le faire en noir et gris avec des ombrages. Si vous voulez qu'il soit unique, n'hésitez pas à y ajouter une image que vous appréciez tout particulièrement. C'est ainsi que cette 20e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de mille et une histoires de tatouage. Ciao!